Vous avez un nouveau message aujourd'hui à 16h51. Allô maman bobo, c'est celui-là qu'il me faut. Oui, c'est moi, t'es où? A tout de suite mon pilou. Avec la haute technologie, on peut voir surgir des portables miniaturés, des faces interchangeables. Et ces écrans-couleurs, n'est-ce pas un peu à leur pour avoir le lait et l'argent du beurre? Ça nous rapproche tous, et si le tempo qui rentre dans ta peau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ça s'avère souvent nécessaire. Allô, Olive, je suis au WC. Viens vite, mes déjeuners, plus de papier.